vu la lune depuis ma fenêtre, j'ai pensé aux oubliés. J'ai vu la lune depuis ma fenêtre, elle est toujours aussi voilée. Notre avenir s'obscurcit, je vois plus de ciel étoilé. Alors pour survivre, certains nettoient les toilettes, RAP. Moi ma vie se résume en trois lettres. J'ai vu les frères prendre du galon sans penser aux darons. Impatients comme des étalons, avec la bague sur les talons. Les petits frères tapent des baves au lieu de taper dans le ballon. Aujourd'hui si t'as pas le bras long, c'est dur d'éviter le ballon. J'ai vu les sœurs malheureuses à la recherche d'un vrai mari, qui vit pas dans les crâneries, qui a pas besoin de Ferrari. Toujours présent pour ses gosses, fidèle comme mes darons, musclé ou ses gosses, mais avec la classe d'un baron. J'ai vu des potes se faire juger sur de sales préjugés. Peu importe le sujet, devant leur justice tu peux pas gruger. Pour payer le baveux déjà, il faudrait un mécène. Sinon ensuite le parloir remplacera ton MSN. He visto la tristeza de este mundo. El sommet de mi dos, mi to calma profundo. Ta place la subvision sobre la gente. Y eso lo hace musicalmente. He visto la tristeza de este mundo. El sommet de mi dos, mi to calma profundo. Ta place la subvision sobre la gente. Y eso lo hace musicalmente. La crise financière nous frappait tous de plein fouet. Ils spéculent sur nos vies comme si la bourse était un jouet. Licenciement par milliers pour aller produire en Corée. Les PDG partent en retraite dans leur parachute doré. J'ai vu des gosses s'entretuer pour des choses dérisoires. À 8 ans ça m'a menacé, le soir ils veulent plus d'histoire. Mal à l'aise à l'école, habitué aux heures de colle. Mais au moins ça les entraîne pour leur futur jour de tôle. J'ai vu que dans leur télé-réalité y'avait rien de réel. On nous vend du rêve, les chaînes ont le rôle de maquerelle. Ça se discute donc leurs confessions n'ont rien d'intime. Comme chaque année les candidats ont déjà sucé dans un film. J'ai même vu des fonctionnaires qui vivent dans leur voiture. On nous fait croire que le coupable c'est juste la conjoncture. En France, autant de SDF que de logements vides. Les rues se remplissent alors que les poches se vident. He visto la tristeza de este mundo. Eso me da miedo, me to calma profundo. Ta place la subvision sobre la gente. Y eso lo hace musicalmente. He visto la tristeza de este mundo. Eso me da miedo, me to calma profundo. Ta place la subvision sobre la gente. Y eso lo hace musicalmente. J'ai vu des Roumains de 13 ans victimes de prostitution. Puis on nous parle de droits de l'homme et de constitution. Les institutions font rien pour leur rendre leur jeunesse. Au lieu de les renvoyer, attaquons-nous à la jeunesse. J'ai vu toute une région vexée par une banderole. J'ai pris ça avec humour, mais d'autres l'ont trouvé moins drôle. Chacun son avis, mais y'a des trucs plus importants. Sarko en a fait une polémique afin de gagner du temps. J'ai vu mon casier judiciaire faire peur à mon employeur. Si j'étais une femme, j'aurais dû raccourcir mon tailleur. Pour garder mon taf, je dois me battre sans cesse. Car je dois nourrir mon gosse alors que mes poches sont sèches. J'ai vu la Storiano, je lui ai dit refrain, pose mon refrain. J'ai invité du monde et t'inquiète, y'a que des vrais. Voilà mon street album, enregistré sans frein. On pose sans fin et j'ai vu que tu trouvais ça frais. He visto la tristeza de este mundo. Eso me da miedo, me to calma profundo. Ta place la subvision sobre la gente. Y eso lo hace musicalmente. He visto la tristeza de este mundo. Eso me da miedo, me to calma profundo. Ta place la subvision sobre la gente. Y eso lo hace musicalmente.